419. Activation. Oral. Liaison. Listen and repeat. Un Brésilien. Un Américain. Un roman. Un éléphant. Les romans. Les histoires. Les Danois. Les Anglais. Comment vas-tu? Comment allez-vous?